Cette vidéo est sponsorisée par... Non, je déconne. Les qualifications sont un des moments les plus intenses d'un week-end de Formule 1, parfois même le plus palpitant à vivre, et le plus apprécié par les pilotes, qui peuvent réellement donner tout ce qu'ils peuvent donner en allant aux limites de leur monoplace. Cette session est primordiale pour un Grand Prix puisqu'elle détermine l'ordre de la grille de départ pour la course. Mais au fil des années, les qualifications ont connu différents formats et je voulais aujourd'hui défier les volontés divines de la FIA en rappelant l'existence de leur pire idée jamais instaurée pour cette session afin de faire un titre putaclic, mais vu que j'avais pas assez à dire dessus, j'ai dû étendre le sujet. Donc avant d'initier les nuls, avant d'aider les nouveaux à comprendre le fonctionnement des qualifs, je propose de revoir les différents formats qu'il y a eu à travers l'histoire de la Formule 1 pour inculquer ce savoir aux plus ignares d'entre vous. Aux moins initiés d'entre vous. Des débuts du championnat en 1950 jusqu'à 1995, on se posait pas trop de questions. De ce côté-là, c'était plutôt simple à comprendre. Il y avait deux sessions de 1 heure, une le vendredi et une le samedi. Et c'était les temps les plus rapides parmi ces deux sessions qui déterminaient l'ordre de la grille de départ. Les pilotes avaient alors un total de 12 tours dans chaque session pour enregistrer leur temps. Il y a eu quelques micro-changements en fonction des époques, comme l'introduction d'un pneu réservé uniquement à la qualification, mais aucun changement dramatique au niveau du fonctionnement de la session. Et c'est fin 95 qu'on décide d'évoluer vers un nouveau format. Désormais, une seule séance servira à la qualification le samedi après-midi. Les pilotes ont 1 heure et un maximum de 12 tours pour enregistrer un temps avec l'ajout d'une nouvelle règle, la règle des 107%. C'est-à-dire, à la fin de la séance, on prend le temps le plus rapide et on y ajoute 7% et tout pilote ayant été plus lent que ce temps théorique n'aura pas le droit de participer à la course, le but étant de pénaliser les pilotes et les voitures les plus lents pour des raisons aussi bien sportives que sécuritaires afin d'éviter d'avoir des chicanes mobiles, donc des pilotes tellement lents qu'ils en deviennent un danger pour les autres. Cependant, nul chômage technique le vendredi, avec l'ajout de 2 séances d'essais dites « essais libres » de 1 heure chacune, dans lesquelles les pilotes auront aussi le droit à un total de 30 tours maximum, ce qui finira par changer avec le temps. Le samedi matin, une 3e séance d'essais libres de 45 minutes est ajoutée juste avant la qualification. Mais avec la diffusion de plus en plus large de la Formule 1, on veut créer un format plus intéressant aussi pour les fans. Parce qu'il y a un problème avec ce format. En effet, une piste de Formule 1 s'améliorant au fil des passages des voitures qui déposent des bouts de gomme sur la piste, personne ne voulait vraiment s'aventurer en premier et faire le sale travail pour les autres, ce qui faisait qu'il y avait une bonne demi-heure de la session qui était vide d'intérêt. On révolutionne alors le système de A à Z en 2003. La F1 devant incarner la vitesse, la précision et la perfection, on décide de donner aux pilotes 3 tours pour les qualifications. Alors 3 tours, c'est un tour de sortie, un tour chronométré et un tour d'entrée au stand. Donc c'était juste un moyen pour me la péter de dire qu'ils ont qu'un seul tour. La qualif était alors de nouveau divisée en 2. Une première session avait lieu le vendredi, qui reprenait l'ordre du championnat des pilotes, ces derniers s'élançant chacun à leur tour, et leur chronomètre enregistré servait à établir l'ordre de la grille de départ de la séance de qualification du samedi. Le pilote le plus lent en premier et le plus rapide en dernier, afin que ce dernier bénéficie des meilleures conditions de piste. Ce format permettait d'assurer d'avoir des pilotes en piste pendant l'entièreté de la session, et donc de la diffusion télévisuelle, tout en donnant un temps d'antenne équitable à chaque pilote et chaque équipe, donc aux sponsors aussi, le tout en pimentant la session d'imprévisibilité, en forçant les pilotes à rouler avec l'essence qu'ils auront pour le départ de la course, puisque je rappelle que les ravitaillements en essence étaient autorisés à l'époque. Mais aussi la pimenter à cause des conditions météo changeantes. Parce que si la piste était sèche en début de session et qu'il se mettait à pleuvoir, les derniers à partir dans la session, donc théoriquement les gros bras, ils allaient se retrouver dans les pires positions pour la course. Quelque chose qu'on aime toujours voir. En 2004, les sessions se tiennent le samedi, plutôt que réparties sur 2 jours, et l'ordre de la première séance est déterminé en fonction des résultats de la course précédente, plutôt que du classement au championnat. mais ce format présente toujours quelques faiblesses et inégalités et il est de nouveau revu en 2005. Revu pour le pire car ce nouveau format est vivement critiqué. On garde les deux séances en un tour mais on additionne les deux temps de chaque session. Cette idée est introduite en réponse à la séance de Silverstone 2004, l'année d'avant donc, où Monsieur Michael Schumacher avait volontairement raté son temps du matin pour être sûr de partir en premier l'après-midi, puisque la pluie était prévue pour la séance qualificative qu'allait établir l'ordre de la course. Mais ce nouveau format en 2005 est autant détesté des fans que des équipes, et il est abandonné au bout de 6 courses pour un format simplifié en un seul tour. L'ordre est déterminé en fonction des résultats de la course précédente, du dernier au premier, et les pilotes partent de nouveau avec leur quantité d'essence pour la course. Avec la nouvelle interdiction des changements de pneus pendant la course, les pilotes doivent prendre le départ avec les gommes utilisées pour la qualif, mais tout ça sera oublié l'année suivante, parce que les pneus qui font qu'une seule course, c'était une mauvaise idée. Mais aussi car, pour tout autant qu'on puisse adorer le concept de ne laisser qu'une seule chance aux pilotes de faire leur tour rapide, l'application de ce système est bien plus compliquée qu'il n'y paraît et elle est abandonnée en 2006 pour un nouveau format révolutionnaire, divisé en trois parties, Q1, Q2 et Q3, c'est-à-dire le truc qui ressemble à ce qu'on a aujourd'hui. En Q1, les 22 pilotes ont 15 minutes pour enregistrer un temps. Les 6 plus lents sont éliminés et verrouillent les positions de la 17e à la 22e place. Idem en Q2, où les 16 pilotes restants ont 15 minutes et verrouillent les positions 11 à 16. Et enfin, les 10 pilotes restants ont 20 minutes pour faire leur temps au tour et définir l'ordre définitif de la grille. Cependant, ils n'auront pas le droit de ravitailler avant la course et ils devront prendre la séance avec la quantité de carburant qu'ils voudront avoir au départ. Et pour s'assurer que les voitures roulent et n'attendent pas la dernière minute pour économiser de l'essence, on est obligé de déclarer à la FIA la quantité d'essence prévue pour la course, la mettre dans le réservoir en fin de séance, et la FIA demandera à chaque équipe de remettre l'essence gaspillée pendant la séance. En conséquence, la Q3, c'est pendant 80% de la session, des pilotes qui tournent uniquement pour brûler de l'essence, puis rentrent au stand mettre des pneus neufs pour avoir enfin le vrai tour de qualif à la toute fin de la session. C'est palpitant. En courte saison, on a juste quelques détails, ce qui permet d'éradiquer une anomalie dans ce système, qui était que la session s'interrompait immédiatement dès que le chrono tombait à zéro. C'est-à-dire que les pilotes qui enregistraient un chrono, ils l'avaient dans l'os. Donc à présent, on laisse les pilotes terminer leur tour après le drapeau à damier. Évidemment, ils n'ont pas le droit d'en démarrer un nouveau juste après. Est aussi introduite la règle du parc fermé. Après la séance, les voitures ne retournent pas au garage, mais sont entreposées au parc fermé sous la surveillance de la FIA, de sorte à ce que aucun changement ne soit fait sur les voitures sans leur autorisation préalable, sous peine de recevoir une sanction sur la grille. En 2008, les équipes n'ont plus le droit d'ajouter de l'essence à l'issue de la Q3, impliquant que les pilotes n'ont plus à rouler pour brûler de l'essence pour rien. Cependant, cela nuit à l'intérêt de la séance, puisque ça ajoute un aspect stratégique supplémentaire à la course, ce qui amenuise l'importance de la pole position. Parce que quelqu'un qui part 9e avec beaucoup d'essence a autant, sinon plus de chances de gagner que le poleman qui part avec peu d'essence. Mais la question ne se pose plus en 2010 avec le bannissement des ravitaillements pendant les Grands Prix et les pilotes pouvaient de nouveau s'en donner à cœur joie. Mais étant donné qu'avec chaque bonne idée de la FIA en vient une autre qui vient tout gâcher, il est décidé que désormais, pour désavantager les pilotes passés en Q3 face aux autres, ils devront démarrer la course avec les pneus qui leur a servi à faire leur meilleur temps en Q3. En conséquence, on assiste à des séances où seuls quelques pilotes enregistrent un tour, tandis que les autres ne roulent pas du tout pour économiser des trains de pneus et avoir l'avantage de partir en gomme fraîche. En 2011, grâce à l'écurie HRT, on réinstaure la règle des 107% en Q1, parce qu'il n'y a que leurs deux pilotes qui échoueront à se qualifier en Australie en 2011 et en 2012, mais ça c'était juste pour l'anecdote. Le problème des grévistes de la Q3, quant à lui, n'est résolu qu'en 2014. La séance est allongée de 2 minutes, passant de 12 au détriment des 20 minutes de la Q1 qui passe à 18. Les pilotes passant en Q3 se voient offrir un train de pneus supplémentaire, et à présent, ils pourront prendre part à la course avec leurs pneus utilisés en Q2 pour inciter à tout donner en Q3. Et comme je le disais plus tôt, quand la FIA arrive à un format satisfaisant, il faut trouver quelque chose pour le ruiner. alors que tout le monde est satisfait du système en place, enfin, que personne s'en plaint, quoi, en 2016, on ajoute un système d'élimination, parce que ça fait du spectacle! À la fin de chaque session, à présent, un compteur de 90 secondes se déclenchera, et le pilote qui sera dernier à la fin de ce compte à rebours sera éliminé. Ainsi, la Q1 dure 7 minutes, et à partir de là, le compte à rebours commence. En Q2, 6 minutes avant le compte à rebours, et 5 minutes en Q3. Malgré l'insistance des équipes, des pilotes et des fans pour retirer le statut d'être humain au responsable de cette idée afin de pouvoir légalement lui faire subir toutes les erreurs possibles, la FIA insiste pour qu'on essaye ce système. Suite à la première séance de ce format à Melbourne en 2016, la FIA constate que cette application se traduit par le fait que chaque pilote fait son tour chronométré en début de séance et ensuite tout le monde reste au stand, laissant les spectateurs contempler une piste vide pendant 10 minutes. Il est super ce spectacle. Suite à cette atrocité, la FIA veut revenir en arrière, mais se heurte au refus de gouvernants de la F1. Après le Grand Prix de Bahreïn, il propose un nouveau système qui cette fois-ci se fait incendier par les équipes puisqu'il voudrait retenir les deux meilleurs temps enregistrés en Q1, Q2 et Q3 pour établir l'ordre de la grille. Et à quelques jours du Grand Prix de Chine, on parvient enfin à revenir en arrière pour conserver le système déjà en place et que nous connaissons encore aujourd'hui.